Jazz, haute couture et petite pépée. Faustine chérie, j'aimerais te présenter quelqu'un. Ah bon? Qui ça? Mireille, assistante sociale à Montrouge. Une chic fille, très sympa. Tu vas adorer son humour et son bagou. Et vous avez... Oh, juste une fois ou deux avant que tu me rejoignes. Tu m'y avais autorisé si une occasion se présentait, tu te souviens? Mais rassure-toi, je lui ai tout de suite dit que j'étais en main. D'ailleurs, je lui ai tellement parlé de toi qu'elle a eu envie de te rencontrer. Je vois. Invitons-la à dîner alors. Si elle t'a plu, c'est sûrement quelqu'un de chouette. En fait, Faustine ne voit pas grand-chose. C'est la première fois, à sa connaissance, que Maxime la trompe. Mais on ne trompe pas quand on se confie tout, n'est-ce pas? Pour eux, et ils l'ont défini ensemble, il n'y a tromperie que lorsque l'on ment, carrément ou par omission. Ce que justement elle veut éviter à tout prix parce que c'est ça qui pourrit la relation. Faustine examine la situation avec une certaine distance, s'étonne de n'avoir pas le sens du tragique. D'autres auraient clamé « S'il me trompait, j'en mourrais !» Ben non, au contraire. Elle aurait presque tendance à féliciter Maxime de sa bonne aubaine, comme le ferait un copain masculin. En ce qui la concerne, que Maxime ait tout quitté pour elle, l'a définitivement rassurée. Elle ne ressent pas le besoin de preuves supplémentaires. Plaçant son sentiment amoureux au-dessus de ses aléas, son cœur par-dessus son cul, il lui est difficile d'accorder de l'importance à ses peccadilles. D'ailleurs, ne ferait-elle pas la même chose si elle en avait l'occasion? Rue de Longchamp, la routine s'installe. En semaine, Maxime rejoint le périph et ses embouteillages dès 6 heures. Il bénéficie de l'horaire libre. Quand il rentre à 17 heures, Faustine l'attend avec l'apéro. Il prend une bonne douche avant de dîner, puis ils sortent. Maxime, en ce moment, évoque beaucoup ses enfants. Depuis 2 mois qu'il ne les a revus, les filles lui manquent. Il compte bien, dès septembre, entamer les démarches pour son divorce, puis organiser un droit de visite et les revoir chaque fois qu'il le pourra. Aux dernières nouvelles, Hélène s'est montrée coopérative. Dans la foulée, Maxime annonce son intention d'aller voir ses parents à Oudan. Si Faustine craint un peu son isolement, elle est rassurée de voir qu'il n'a pas totalement perdu l'esprit de famille. En tant que co-responsable de la situation, elle se sent un peu moins fautive. En attendant, Max essaye de cumuler les affaires, c'est-à-dire les engagements payés d'une ou plusieurs soirées dans les boîtes à jazz de la capitale. Pour cela, il doit montrer sa bobine et faire savoir qu'il est disponible. Il encourage Faustine à prospecter sérieusement de son côté pour du boulot. La jeune femme réalise seulement maintenant que ses parents, en l'employant comme aide familiale, ne lui ont pas vraiment rendu service. Sans compter qu'elle n'a même pas son bac. Trouver du travail à Paris au temps des Trente Glorieuses, c'est facile bien sûr. Il suffit de se baisser, paraît-il. Mais seulement si on se cantonne aux tâches subalternes. Et même là, Faustine, qui est de nationalité suisse, doit avant toute chose obtenir un permis de séjour, puis de travail. Employée de maison, domestique, embauche au noir, dans la restauration ou les ateliers du quartier du Sentier. Mais trop bonne nouvelle. C'est tout ce qu'elle peut espérer dans un premier temps. Après avoir essuyé plusieurs refus laconiques, Faustine est soulagée de recevoir enfin un accueil favorable à sa candidature chez Germaine et Jeanne, maison de couture ayant pignon sur la célèbre rue Cambon. On y recherche une remplaçante pour 1 mois. Affectée à la machine à surfiler, un travail tout à fait dans les cordes de la jeune femme. Alors dite Faustine, dans sa belle inconscience, gravit l'escalier principal, ignorant l'entrée de service. Et se présente comme demandeuse d'emploi, avec rendez-vous, sous le regard choqué de la responsable clientèle. Heureusement, à 7 heures, le hall est désert, personne ne l'a vue. Vite, une gouvernante escamote l'impudente et l'introduit directement dans le luxueux bureau-salon de la patronne. La vieille mademoiselle Jeanne, qui a dû être très belle autrefois, trône derrière son bureau de ministre. Faustine admire la décoration. Elle a l'impression d'être dans un film. C'est là, sans doute, que les mannequins défilent pour les riches clientes cosmopolites, obéissant au doigt et à l'œil aux injonctions de la première. Elle aurait bien aimé être une petite souris rien qu'une fois pour assister aux présentations. Une demi-heure plus tard, à peine, la voilà engagée. Elle a fait part de son expérience à la Muller et compagnie, assortie de ses références et de son CAP, certificat d'aptitude professionnelle. Elle présente bien et a l'air sérieuse. La nationalité suisse est un atout. Faustine s'en amuse, comme si ça voulait encore dire quelque chose. Mademoiselle Jeanne, après l'avoir présentée à Mademoiselle Germaine, beaucoup plus haute en couleur, lui a demandé de se présenter lundi matin par l'entrée de service et de se rendre aux ordres de la chef d'atelier. Elle aura la responsabilité d'une surfileuse, travaillera de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures pour le SMIC. Faustine acquiesce, remercie, serre les mains, s'en retourne. Elle est ravie. Elle a trouvé ce boulot facilement tout compte fait. C'est Maxime qui va être heureux. Oui, Maxime est très content et le fait savoir tendrement. Voilà qui augure bien des tartines beurrées sans épinards. Les amants font la tournée des grands-ducs et le clarinettiste, comble de chance, trouve un job supplémentaire dans un piano-bar à deux pas de l'Arc de Triomphe. Il termine la soirée par un bœuf à la London Tavern. Faustine sirote tranquillement son whisky, offert par la maison, quand elle repère une grande fille rousse qui tourne autour de son musicien chéri. Discrète, elle observe le manège. En sa présence, Maxime ne bronche pas. Déçu, l'autre se détourne, finit par s'en aller. Ni Faustine ni Maxime n'en parleront. Dimanche matin, Maxime propose une virée au bois de Boulogne. En été, on y loue des vélos ou des bateaux à rame. Une autre fois, ils s'essaieront au canotage, mais ce jour-là, sur leur bicyclette, les amoureux s'amusent comme des petits fous. Ils font la course et des acrobaties. C'est tout plat, très agréable. Faustine veut bien remettre ça tous les week-ends. Maxime aussi, et lui répète combien il aime dépasser ses limites et prendre soin de son enveloppe physique. Pour cela, le sport est idéal, prétend-il. Faustine réserve son avis, elle vote pour la modération. Lundi matin, Faustine embauche à l'heure, en même temps que les autres filles. Sauf qu'elles ne pointent pas. Elles sont six à se partager 10 mètres carrés, presque sous les combles. Pour son premier jour, la chef d'atelier fait les présentations et la visite des lieux. 4 machines à surfiler s'alignent contre les murs, chacune entourée de corbeilles. Une à gauche pour les pièces à coudre et une à droite pour les travaux finis. On s'assied à 8 heures précises et on vide une corbeille après l'autre le plus rapidement possible. De temps en temps, la chef vient vérifier le travail, contrôler que la machine fonctionne bien. À midi, certaines filles restent, d'autres sortent. Dans un coin de la pièce, il y a une table sur laquelle 2 retoucheuses cousent des boutons. Faustine apprendra qu'une grande partie du travail est sous-traitée à domicile. Une fois par semaine, un contremaître fait le tour des employés. Faustine sera chargée d'aller vider le camion avec les autres. Dès le premier jour, Faustine déguste. Il fait chaud, la poussière vole, elle en prend plein les poumons. Néanmoins, elle souffre de ne pas pouvoir fumer sa dose habituelle. Strictement interdit, bien sûr, dans ces ateliers où la moindre étincelle aurait des répercussions dramatiques. Elle a mal au dos, aux reins, à la nuque, à force d'accomplir les mêmes gestes plusieurs heures d'affilée. La chef vient sans cesse la houspiller, qu'elle aille plus vite, toujours plus vite, prendre la pièce à droite, ziz, ziz, couper le fil, la poser à gauche. Toutes les pièces sont de la même couleur. Il faut coudre droit. Une surfileuse coupe en même temps qu'elle surfile, et si on mord dans le tissu, il y perd en taille. Faustine s'applique, attendant la pause avec impatience. Personne ne parle, mais à midi, elle se rattrape. Faustine apprend que la responsable des boutons fait le même boulot depuis plus de 15 ans. Quelle horreur ! Rien que de s'imaginer enchaîner à ce genre de tâches répétitives, Faustine défaille. Les autres rient. Et pourquoi pas ? C'est un job comme un autre. Et tu ne t'ennuies jamais ? Non. D'ailleurs, les boutons changent, les modèles aussi, l'ambiance est bonne. On est une chouette équipe. Moi, je ne pourrais jamais. Dans une autre pièce sur l'étage, officie la dame patronesse ainsi que la nomme Faustine, qui pense qu'elle est sans conteste la personne la plus importante de toute la maison. En effet, le créateur, homme ou femme des modèles, voit son travail concrétisé par un patron qui permet de le multiplier à l'infini. Faustine envie le savoir-faire de l'employé, véritable magicienne selon elle. Voir une robe sur une personne et la traduire sur le papier, voilà un tour de passe-passe extraordinaire. À l'heure du déjeuner, la plupart de ses collègues restent en place, déballant leur cantine. Faustine, venue sans pique-nique, revendique son besoin de prendre l'air. En outre, personne d'autre ne fume ici. Elles n'en ont pas les moyens, évidemment, avec leur salaire de misère. Faustine parcourt la rue Cambon, truffée de maisons de couture plus ou moins célèbres, à commencer par Chanel, précédée de Paco Rabanne. Tout ça, c'est bien joli, mais ça ne nourrit pas sa femme. Faustine use ses semelles avant de trouver une boulangerie au prix raisonnable. Elle commence à comprendre pourquoi les autres évitent de faire des courses dans les rues alentour. Mardi, mercredi et jeudi passent. Faustine qui travaille toute la journée, c'est physique, on l'a vu, et qui accompagne Maxime toutes les nuits dans les boîtes où il joue, commence à s'épuiser sérieusement. Vendredi matin, elle est déjà fatiguée au réveil. Comme elle ne veut pas que son chéri se sente trahi et la gronde, elle se prépare comme d'habitude. Ils se séparent devant la station de métro Iéna. Cachée dans le couloir, elle attend quelques minutes, puis elle remonte à la maison, prévient l'atelier de son absence et retourne se coucher. Vers midi, elle prend un long bain moussant, se fait belle, prépare un délicieux repas en attendant Maxime. Ce soir, elle sera en forme pour aller l'écouter. À ce rythme, la vie s'emballe. Ce 15 août 1978, Faustine a 22 ans. Après avoir fait la tournée des Grands-Ducs, Maxime remonte les Champs-Élysées déserts dans son cabriolet décapotable. Faustine s'est perchée sur le dossier de son siège. Elle salue à la ronde en éclatant de rire. Que c'est bon d'être jeune et amoureuse. Les 3 semaines suivantes filent à toute allure sur le même schéma. Faustine tient le coup jusqu'au jeudi soir. Le vendredi matin, elle téléphone systématiquement au boulot pour s'excuser. Une fois c'est le dentiste, une fois un appartement à visiter. Elle sait qu'elle ne sera pas payée pour les heures non effectuées. Elle s'en fiche royalement. Elle se sent libre comme l'air, continue à accompagner Maxime partout. La rouquine est toujours dans les parages. Un soir, Faustine est si fatiguée qu'elle renonce à sortir. Elle attendra Maxime à la maison, ira se coucher tôt, sitôt qu'elle ne sait pas quand il rentre. En fait, si, elle sait, pour avoir été au petit coin à 3 heures passées, qu'il n'était pas encore là. Au matin, devant la table du petit déjeuner, elle interroge. « T'es rentrée à quelle heure ce matin ?»« À 4 heures. »« Toi, tu t'es tapé la rouquine. »« Ben merde alors, comment t'as deviné ?»« Mon petit doigt. » C'était bien. Maxime est bouche bée. Il n'en revient pas. Son regard trahit une admiration sans borne. Là, tu m'épates. En fait, non, c'était pas si bien. Elle a fait ce qu'elle a pu, la pauvre. C'est moi. J'avais honte. Je me suis tirée le plus vite possible. Elle a pas apprécié. Elle était furax et m'a insultée. On m'y reprendra plus. Permission ou pas, je ne suis pas prêt de recommencer. « Jamais dire jamais, mon amour. Mais brisons-la et allons visiter notre prochain appartement. J'en ai repéré un dans le 7e, rue Pierre-Leroux. Qu'en penses-tu, toi, le Parisien? C'est un quartier sympa ?»